إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, on est dans le cours numéro 2 aujourd'hui, dans les méfaits de la démocratie. Donc, on continue l'explication du livre du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi al-Salafi. Dans son livre Al-Adilla al-Shar'iyya, li kashf al-talbisat al-hizbiyya ala al-mujtama'at al-islamiyya. Et donc, on a expliqué dans le premier point, parmi les méfaits de la démocratie, il y a le fait que ces gens qui se servent de ce système-là, eh bien, ils ne jugent pas par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils jugent par le ta'arut, ils jugent par les lois faites par l'homme ou par d'autres choses qui sont contraires à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est le jugement des hommes par les hommes, le pouvoir du peuple, hein, le peuple qui a le pouvoir sur le peuple, ou le pouvoir du peuple, etc., comment il l'appelle, la souveraineté du peuple, et tout ça c'est contraire au fondement de l'islam. Bien entendu, pour les gens qui n'ont pas de base dans le tawhid, qui n'ont pas de base dans l'aqida, qui ne connaissent rien de l'islam, qui ne connaissent l'islam que le nom, et qui n'ont pas grandi dans avec une bonne éducation de l'islam, seulement lire le Coran, il y en a plein parfois, des musulmans, tu les rencontres, ils te disent, tu sais, moi je suis allé à l'école coranique, soit dans le sens que quand ils étaient petits à maternelle, avant d'aller à la maternelle, leurs parents les envoyaient à l'école coranique. Ça veut dire quoi l'école coranique? Ça veut dire on leur apprend les lettres de l'alphabet arabe, et on leur apprend comment réciter les sourates avec le cheikh et tout, et puis c'est tout. Tu vois? Donc ils pensent que ça veut dire qu'ils ont une compréhension de l'islam, alors qu'en réalité ça ne veut rien dire, puisqu'à cet âge-là, ça se limite uniquement à un apprentissage de certaines sourates, et la mémorisation, sans aucune compréhension, en grande partie c'est comme ça. Donc c'est pour ça que ça veut rien dire quand ils disent qu'ils sont allés dans les écoles coraniques. L'important, bien entendu, c'est par la suite de poursuivre des études et de comprendre de plus en plus le Coran et la Sunna, en étudiant le Coran, bien entendu, non seulement dans sa mémorisation, mais avec qu'est-ce qui vient avec de compréhension, l'étude du tafsir, l'étude du hadith, l'étude du fiqh, l'étude du usul al-fiqh, l'étude des qawa'id al-fiqhiyya, l'étude de tout ce qui vient avec ces sciences-là, l'aqida et tous les fondements du tawhid. Donc toutes ces choses-là, c'est fondamental pour bien comprendre l'islam. Il ne faut pas juste se limiter juste à mémoriser et à lire le Coran, parce que si tu fais juste ça comme ça, sans les autres explications qui clarifient le Coran, bien entendu, ça ne sera pas suffisant. Et donc, beaucoup de gens aujourd'hui, ils rentrent dans des erreurs qui sont en contradiction avec les fondements de la religion, et ils prennent ça à la légère, et ils ne considèrent même pas ça comme étant une contradiction de la religion, parce qu'ils ne connaissent pas leur religion. Et ça, c'est l'état, c'est la réalité de la plupart des musulmans aujourd'hui. Tu vois des jeunes musulmans dans les universités, que ce soit dans les universités dans les pays musulmans, ou même dans les universités des pays non musulmans, qui viennent étudier toutes sortes de sujets, toutes sortes de choses, et Ali, ils se disent, oui, on est musulmans, ils font la salat et tout, et puis tu les vois qui défendent par la suite toutes sortes d'idéologies des koufars, toutes sortes de façons de penser des koufars, que ce soit la laïcité, que ce soit la démocratie, que ce soit le socialisme ou d'autres légalités, etc., l'égalité entre hommes et femmes par exemple, donc ils croient qu'il n'y a pas de contradiction entre la religion musulmane et ces choses-là. Et il y a même, non seulement qu'il y a, non seulement c'est des gens qui sont parmi les gens ordinaires, parmi les musulmans ordinaires, qui disent ces choses-là, en fait, c'est juste parce qu'ils répètent ce qu'ils entendent de la part de certains qui se prétendent être des savants ou des penseurs islamiques, hein, des du'at, hein, qui disent être du'at, des gens qui appellent à l'islam, et qui répètent ces mensonges-là au sujet de l'islam. Et donc ça c'est important donc de comprendre que pour nous les musulmans maintenant, à l'époque actuelle, il faut qu'on apprenne à remettre notre compteur, disons, à zéro, à rebâtir notre compréhension de l'islam de la base. C'est-à-dire que on a été confus et mélangé, et complètement, disons, distrait des fondements de notre religion. Et là, c'est le temps pour nous maintenant de revenir à zéro. C'est-à-dire, quand je dis de revenir à zéro, ça veut dire comment on dit en anglais, reset, hein, redémarrer. Comme toi, hein, tu veux faire un formatage complet de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as compris, et de le rebâtir à partir des bases pures, hein, des bases claires de l'islam, de cette religion. Et donc c'est ça ce qu'on est obligé de faire, on n'a pas le choix si on veut vraiment comprendre. Donc, juste avant de commencer, le deuxième point de ce que le chef mentionne dans le livre, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que les koufars, ils utilisent parfois des termes, et c'est des termes qu'eux-mêmes ont inventés, comme la démocratie, ça vient pas de l'islam, ça vient des koufars. Donc si tu veux vraiment comprendre la démocratie, qu'est-ce que ça signifie? C'est en regardant qu'est-ce que les koufars ont écrit sur ce sujet-là que tu vas arriver à comprendre ce qu'ils veulent dire eux par la démocratie. Et la même chose pour les autres termes, comme la laïcité, les droits de l'homme, l'égalité entre l'homme et la femme et tout ça. Il y a toujours un sens qui vient c'est-à-dire qui vient à l'esprit du premier coup lorsque tu entends ces choses-là. Lorsque tu entends ces mots-là ou ces termes-là, il y a des idées et il y a des points qui te viennent directement à l'esprit. Hein, quand tu entends le mot démocratie, tout de suite ça te donne quelque chose, il y a quelque chose qui, ça te rappelle quelque chose tout de suite. Et quand tu entends le mot égalité, homme-femme, tout de suite ça, il y a quelque chose qui vient à ton esprit. Quand tu entends laïcité, droit de l'homme, liberté, tout ça c'est des termes que tu entends, ça ramène tout de suite quelque chose de positif à ton esprit. Parce que pourquoi? Parce que les gens ont été programmés à aimer et à accepter ces termes-là, sans même parfois essayer d'aller plus profondément dans la signification et dans les implications de ces idées-là. Alors, entre ce que les gens s'imaginent de ces idées-là, qu'est-ce qu'ils pensent que ça veut dire, et entre la réalité de ce que ça signifie vraiment, il y a des grands écarts parfois. Parce que les gens se répètent ces mots-là et ces termes-là, et ils s'imaginent qu'ils ont compris ce que ça signifie, alors que lorsqu'on rentre en profondeur dans les idéologies, dans les fondements idéologiques qui sont derrière ces idées-là, on réalise que c'est tout à fait différent, que ça a une toute autre signification. Et donc c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre les choses de façon superficielle, et de s'attarder uniquement aux mots et aux idées, mais d'aller en profondeur étudier chez ces koufars-là, qu'est-ce que ça signifie ces choses-là pour eux. Nous, en tant que musulmans, c'est pas compliqué de comprendre que ces choses-là sont contraires à l'islam si on a compris le tawhid, si on a compris les bases de notre religion. On peut réfuter ces idées-là très très facilement. Déjà, le point qu'on a mentionné dans le dernier cours, juste ce point-là à lui seul suffit pour démolir, détruire, anéantir complètement tout ce qui a rapport avec cette idée. Et en fait, ça suffit, ce qu'on a dit maintenant, jusqu'à maintenant sur la démocratie, ça à lui seul, ça suffit pour faire en sorte qu'on n'ait même plus besoin d'ouvrir quoi que ce soit comme livre sur ce sujet-là. Ça suffit pour qu'on ferme tous les livres qui ont rapport avec ce sujet, qu'on les ferme, et qu'on les rouvre plus jamais par la suite, et qu'on les ferme à jamais. Pour dire qu'on n'a même plus besoin d'en discuter encore jusqu'à la fin des temps. Parce que le sujet est clos. On a expliqué que c'était en opposition avec le témoin de la ilaha illallah, que c'est contraire avec le fait que ce soit contraire avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, à lui, ça, ce point-là à lui seul, il suffit pour qu'on ait plus besoin d'en parler. Hein? Et donc ça, c'est pour dire que c'est clair pour nous. Sauf que il y a des gens qui sont, comme on a dit tout à l'heure, ignorants, qui manquent de certaines connaissances sur ce sujet-là, sur les fondements de l'islam, et qui manquent de connaissances également de ce que signifie ces termes-là chez les koufars, hein, qui se font leur propre définition de la démocratie dans leur tête. Alors que la réalité de ces idées-là, c'est tout à fait différent. Donc, c'est bien important de comprendre, et c'est pour ça que des fois, on est obligé d'aller plus en profondeur, comme je disais, et d'aller étudier dans les livres des koufars, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, et qu'est-ce que ça implique, et jusqu'où ça peut aller. Et quand on regarde, et plus on analyse, et plus on regarde, et plus on étudie leurs idées et leurs principes, plus on devient convaincu que c'est diamétriquement opposé avec tout ce que l'islam est venu enseigner sur, par l'intermédiaire des messagers sur la terre. Et que ces deux idéologies-là, hein, l'islam et ses principes idéologiques ou philosophiques établis et inventés et fabriqués par les êtres humains, les créants, eh bien on n'a plus aucun doute par la suite que ces deux choses-là, la religion d'Allah et que c'est ce que ces koufars-là ont inventé, ne pourra jamais se rencontrer, ne pourront jamais se rencontrer, ne pourront jamais être réunis. D'accord? Et donc, ça c'est juste pour ça comprendre à quel point on est diamétriquement opposé et en contradiction avec qu'est-ce que ces gens-là ont enseigné. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire par rapport à ces musulmans-là aujourd'hui qui ont des doutes à ce sujet-là? Des musulmans qui sont pas convaincus encore que la démocratie est en contradiction avec l'islam, qui ont encore des doutes sur le fait que la démocratie soit quelque chose de mauvais, contraire à la vérité. Eh bien, ces gens-là, c'est pour ces gens-là, en réalité, qu'on a besoin de faire ce genre de cours ou ce genre d'explication, pour les convaincre avec les preuves et les arguments de la révélation, de la raison, de l'observation, pour arriver à les convaincre de la véracité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, de la véracité de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et de la véracité de ce que les sahabas ont suivi par la suite. Et lorsqu'ils auront compris ça, et qu'ils auront été convaincus, eh bien, Inch'Allah, on n'aura plus de problème, et on n'aura plus à discuter sur ces questions-là. Mais tant qu'il y a des choubouhats qui perdurent, qui continuent à persister entre, parmi les musulmans, dans les esprits de certains, des doutes, des ambiguïtés, des mensonges de la part de certains qui appellent soi-disant l'islam, hein, et bien là on aura toujours des doutes. Quand on entend des gens comme par exemple Youssef Al-Qardawi, Abdul Majid Al-Zindani, Tariq Ramadan, Tariq Souaydan, et plein d'autres encore, parmi toutes ces catégories de soi-disant du'at, penseurs islamiques actuellement, qui appelle les musulmans à ces idées, à la démocratie et à la laïcité, à toutes ces idées-là, et qui disent qu'elles sont en accord avec l'islam et qu'elles sont compatibles avec l'islam, et même certains vont jusqu'à dire que l'islam a inspiré ces idées-là chez les koufars, hein, et ben là c'est pour vous faire comprendre que à cause de ces gens-là, c'est à cause de cette catégorie parmi les gens-là que ces idées-là perdurent parmi la Ummah, parmi les musulmans. Et c'est ça ce qui fait en sorte qu'il y a plein de musulmans qui sont en train de s'égarer à ce sujet-là. Donc, c'est des gens qui ne connaissent, comme on a dit, qui n'enseignent pas le tawhid aux musulmans, et bien entendu, la raison pourquoi ils ne l'enseignent pas, c'est parce qu'ils veulent continuer à tourner en rond, et à continuer à jouer avec les musulmans, à les garder dans l'ignorance, pour mieux pouvoir les contrôler, et les enrôler dans leur programme politique, et dans leur programme social, et donc ils ont un intérêt à faire en sorte que les musulmans restent ignorants des fondements de leur religion, et ils ont intérêt à mentir contre les salafis, à salir la réputation des salafis, à salir la réputation des ulama, pour éloigner les gens, faire peur aux gens, pour qu'ils restent toujours ignorants, et pour qu'ils soient toujours en train d'être manipulés par ces gens-là. Hein? Donc, alhamdoulilah, on va faire en sorte que cette ignorance qui est propagée par ces gens-là soit détruite et anéantie, inshallah, par la force de la lumière qui vient dans le Coran et dans la Sunna, et pour qu'on puisse vraiment voir la clarté et la vérité et la lumière telle qu'elle est, et pour qu'on puisse voir les ténèbres et l'ignorance et le mensonge tels qu'ils sont, et pour pouvoir amener les gens qui sont sincères parmi ces gens-là à revenir à la vérité et à accepter ce qui vient dans le Coran et dans la Sunna et dans la voie des salaf salih. Donc le deuxième point qu'on va expliquer, c'est le point de al-irtilaf wa tafarruq al-mazmoum. C'est-à-dire que parmi les méfaits de la démocratie, il y a que ça amène comme résultat ou comme conséquence la division, hein, la divergence qui est détestable et blâmable dans l'islam. Et le cheikh il explique ça en détail. Et il va en beaucoup de détails en fait à ce sujet-là. Hein, il a ramené environ 14 pages juste pour expliquer les méfaits de ce point-là. Hein. Donc c'est pour vous dire qu'il va très très en détail hein, par rapport à ce qui a été dit juste dans le premier point qui était juste une page. Et bien là, dans le deuxième point sur la division, la divergence, il ramène 14 pages. Donc c'est pour vous dire à quel point il en a ramené des preuves à ce sujet-là. Le cheikh il dit « Inna tashkil al-ahzab al-siyasiyya fil mujtama al-islami yuaddi hatman ila al-ikhtilafat wa al-tafarruqat al-mazmouma al-lati awradat al-ayat al-kathira wal-ahadith al-sahiha wal-athar al-manqoula an salaf al-umma bi-zammiha wal-tahzir minha والتي تبين وتوجب أن تكون الأمة الإسلامية أو أن تكون الأمة واحدة مترابطة متحابة متعاونة على الخير فتلكم الأدلة قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة نعم إنما المؤمنون إخوة وأخرج الشيخان بارك الله فيك بارك الله فيك طيب وأخرج الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد أو سائر جسده بالسهر والحمى واللفظ للبخاري ولفظ مسلم المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي رواية له أيضا المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله وأخرج أيضا من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وروى مسلم من حديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى أيضا قالوا لفظ البخاري ولفظ مسلم قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده والشاهد من الحديث ذم التفرق والاختلاف لأنه من أذية المسلمين donc le cheikh là il a mentionné une série de versets et de hadiths qui prouvent que les musulmans doivent être unis. Donc il commence en disant que le fait de faire des partis politiques dans la société musulmane, ça amène sans aucun doute à toutes sortes de divisions et de divergences blâmables. Hein. Et à ce sujet-là, il y a eu beaucoup de versets dans le Coran et dans la Sunna, des hadiths authentiques qui sont rapportés des salafs de notre Ummah pour blâmer ce genre de choses-là et pour avertir la Ummah contre la division et contre les divergences. Et ces textes-là nous clarifient et nous ordonnent, hein, ou ordonnent à la Ummah d'être une Ummah unique, unie, qui se rattache ensemble et qui s'aiment et qui s'entraident dans le bien, et voici certaines des preuves à ce sujet-là. Et parmi les preuves qu'il mentionne, le cheikh, il y a le verset 71 dans sourate Tawbah qui dit que les croyants et les croyantes sont des alliés les uns pour les autres. Et le verset 10 dans sourate Al-Hujurat qui dit que les croyants ne sont que des frères. Donc dans l'islam, on est des frères. Si on est des musulmans, nous sommes des frères. Si nous sommes des croyants, en islam, nous sommes des frères. Alors c'est ça ce qui nous réunit, et c'est ça ce qui fait ensemble, et c'est ça ce qui fait notre force et notre alliance, notre foi en la ilaha illallah et en Muhammad Rasulullah. Et donc tout ça, ça fait en sorte qu'on est des frères et qu'on est réunis. Il donne des exemples aussi dans les hadiths, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit selon Nu'man ibn Bashir, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les croyants sont dans leur miséricorde qu'ils ont les uns pour les autres, et dans leur affection qu'ils ont les uns pour les autres, et dans leur disons dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, ils sont comme un seul corps. Si toi t'es malade et dans ton corps il y a une partie de ton corps qui te fait mal ou qui est malade, eh ben c'est ton corps en entier qui va sentir la fièvre et qui va manquer de sommeil, hein. Et donc c'est pour te montrer comment le musulman il est par rapport à ses frères. Il doit sentir qu'il fait partie d'un seul corps, et que s'il y a quelqu'un dans ce corps qui souffre ou qui est malade ou qui a un problème, eh ben c'est toute la umma en entier qui doit ressentir cette souffrance et cette maladie ou ce problème, d'accord. Et il y a d'autres narrations comme celle de Muslim qui dit que les croyants sont comme un seul homme. Si la tête lui fait mal, c'est tout son corps en entier qui ressent la fièvre et qui est pas capable de dormir. C'est ce que ça veut dire quand tu dors pas. Et dans un autre hadith également rapporté par l'imam Muslim, les musulmans sont comme un seul homme. Si l'œil lui fait mal ou la tête lui fait mal, c'est comme si tout son corps au complet lui fait mal. Un autre hadith rapporté également par Muslim selon Anas ibn Malik qui dit, vous n'êtes pas croyant, ou tu ne seras pas croyant, tant que tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et ça c'est un hadith très important rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et un autre hadith qui est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant pour un autre croyant c'est comme une construction, comme des briques, hein, qui se renforcent les unes les autres. C'est comme une bâtisse ou un bâtiment, des briques qui sont entrées les unes dans les autres et qui se retiennent, qui s'empêchent de se briser ou de se casser. Donc c'est comme ça que les croyants doivent être les uns par rapport aux autres. Et il rapporte un hadith qui est, selon Al-Bukhari et Muslim, rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Musa également, dans lequel il dit que il a dit au messager d'Allah, qu'est-ce qui est meilleur dans l'islam? Quelle chose est parmi les meilleures choses dans l'islam, c'est quoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est, il a dit, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. C'est-à-dire, le meilleur musulman, c'est celui dont on ne craint pas ni sa langue, ni sa main. Le meilleur musulman, c'est le musulman dont on ne craint pas du mal, ni de sa langue, ni de sa main. Ça, c'est le meilleur musulman. Donc, on est épargné de sa langue. C'est-à-dire, il va pas dire du mal, il va pas faire du mal à un musulman avec sa langue, et non plus, il va pas faire du mal à un musulman avec sa main. Donc, tout ça, c'est des exemples et des preuves qui montrent que les musulmans, ils n'ont pas le droit de se diviser. Ils n'ont pas le droit de se détester les uns les autres et de se faire des conflits, des problèmes les uns envers les autres. Ensuite, le cheikh il dit, والشاهد من الحديث ذم التفرق والاختلاف لأنه من أذية المسلمين. Le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut montrer en mentionnant ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur musulman c'est celui dont on ne craint ni la langue ni la main. Le but d'avoir mentionné ce hadith là, c'est pour montrer que c'est de se diviser et de diverger, c'est quelque chose de blâmable, parce que ça fait du tort aux musulmans. Ça fait du tort aux musulmans, et donc, yani, c'est une preuve que de faire des divisions et des partis et des groupes dans, dans la Ummah, c'est quelque chose qui fait du tort aux musulmans. Et donc c'est blâmable, c'est quelque chose de mauvais. Après le cheikh, il mentionne un autre hadith. أخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية قال وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ففي رابورتي قال مطرح الإمام البخاري. Et ce hadith-là, c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il a dit, j'ai entendu un homme qui récitait un verset, et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récitait ce verset-là différemment. Alors je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cet homme pour lui demander, et je lui ai expliqué qu'est-ce qui se passe. Hein, il a dit, par exemple, j'ai entendu cet homme réciter ce verset, et il a récité différemment de toi. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud dit, j'ai vu que dans son visage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment, il était fâché, il n'a pas aimé ça, hein, il n'a pas aimé cette dispute entre nous. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous les deux corrects. Non, vous êtes tous les deux corrects. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Mukhtar? Non, mashallah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous les deux corrects dans votre récitation. Ne divergez pas, parce que ceux qui étaient là avant vous, ils ont divergé et à cause de ça, ils ont péri. Donc, c'est pour dire que la divergence, c'est ça ce qui amène la perdition dans la Ummah. Ensuite, le Cheikh il dit, « قلت الآيات والأحاديث في الحث على توطيد العلاقة الإيمانية وترسيخها بين أفراد المجتمع المسلم كثيرة والناظر في أحوال الخائضين في معارك الانتخابية يكاد يجزم بأن ذلك مفقود تماما ولا حول ولا قوة إلا بالله ذلك أن كل حزب يحرص حرصا شديدا على مصلحته دون النظر إلى مصالح غيره بل تجده يفتري عليه الأكاذيب حتى يسقطه من أعين الناخبين وليحظى هو بأكبر عدد ممكن من أصواتهم لكي يتمكن من الفوز في المعركة الانتخابية مما يؤدي ذلك إلى زرع بذرة التفرق والاختلاف المذموم في أوساط المجتمع فيتفكك بناؤه وتنهار قواعده من جذوره فيصبح لقمة سائغة لأعداء الله وقد نهى تعالى في غير ما آية عن الاختلاف في فمن تلكم الآية قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Donc le cheikh il explique, il dit tous ces versets qu'on a mentionnés et les hadiths qu'on a mentionnés sont là pour inciter les musulmans à renforcer leurs relations qui sont établies par la foi et les liens de la foi qui existent entre eux et pour la raffermir et pour l'ancrer fermement dans chaque individu de la société musulmane. Et les preuves de ça sont très très nombreuses, on en a mentionné quelques-unes seulement. Et le cheikh il dit que quiconque observe la situation qui se passe dans les, comment on pourrait dire, dans les combats électoraux, hein, les campagnes électorales, quand on observe ce qui se passe, on pourrait dire presque avec certitude que les gens qui participent à ces élections-là et ces campagnes électorales-là, ils ont complètement perdu cet esprit ou ce sentiment de fraternité entre eux. Et là, on est en train de parler de qu'est-ce qui se passe dans, non pas dans des sociétés non musulmanes ici en Canada ou aux États-Unis ou en Europe, on est en train de parler des campagnes électorales qui se passent dans certains pays musulmans, hein, où, soi-disant, il y a des élections et des trucs démocratiques. Parce que dans une société de confort, on n'est pas surpris de voir qu'ils se détestent entre eux, qu'ils font des partis, qu'ils se font la compétition les uns les autres, et qu'ils, hein. Mais quand tu vois la même chose maintenant se produire chez des gens qui se disent musulmans et qui participent à ce genre de campagne électorale et qui commencent à faire la même chose entre eux que ce que les koufars sont en train de faire dans leur pays, là tu te dis, mais là il y a un problème qui se passe parce que notre religion nous interdit de faire ce genre de choses et d'avoir ce genre de comportement et ce genre d'attitude-là. Donc le cheikh il donne des exemples. Et il dit, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hein? Il dit, parce que tu vois que chaque parti, eh ben, chaque parti, il a comme une envie incroyable et un désir ardent d'arriver au pouvoir. Et quand il veut arriver au pouvoir, il est prêt à tout faire pour y arriver, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il veut tout faire, chaque parti veut tout faire pour arriver à atteindre son bienfait et son intérêt personnel, ok? Et il ne voit même pas l'intérêt des autres, il ne voit pas l'intérêt des autres du tout, il voit que son intérêt à lui. Et il dit que, donc par exemple, on va dire, on le voit, on l'a vu ici, c'est pas juste dans les pays musulmans. Qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans? C'est une copie de ce qui se fait ici. Donc c'est exactement la même chose. On a vu, juste pour donner un exemple, hein. Là, on parle des gens qui sont dans des partis différents, hein. Comme par exemple, il y a un tel parti, il y a un autre parti, les deux sont des partis opposés, donc ils se font des mauvaises publicités les uns les autres. Le chef de ce parti-là, il va essayer de faire tomber son adversaire à la vue des autres. Il va essayer de raconter des choses au sujet de son adversaire pour que les gens ne veulent plus voter pour lui. Hein, il va commencer à essayer de trouver toutes ses fautes, toutes les failles, tous les défauts, toutes les erreurs, toutes les faiblesses, tous les péchés, toutes les paroles qu'il aurait pu dire ou faire, les choses qu'il aurait pu montrer qui montrent qu'il est mauvais ou qu'il n'est pas apte à être au pouvoir et à prendre la place. Et même s'il faut, parfois ils vont jusqu'à même inventer des mensonges sur l'adversaire pour faire en sorte que l'adversaire ne va pas prendre le pouvoir et que c'est eux qui vont prendre le pouvoir à sa place. Hein? Et ça joue des deux côtés. Donc tu vois toutes sortes de coups bas, des coups de lâcheté, de malhonnêteté, hein, qui se produisent durant ces campagnes électorales. Et ça se fait dans les pays musulmans. Et imaginez, subhanallah, juste maintenant on vient de sortir de la campagne aux États-Unis, hein, la campagne démocrate. Du parti démocratique, hein, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'ils étaient en train de choisir? Ils n'étaient pas en train de choisir qui va être président des États-Unis. Ils étaient en train de trouver qui va être le représentant du parti démocrate aux élections. Et les deux sont du même parti, non pas du parti opposé, du même parti. Et ils étaient en train de se faire des coups bas les uns les autres, hein. Obama et l'autre, Clinton, en train de se dire les uns les autres, hein, un l'autre, ils font des débats pour montrer que l'autre est pas capable, ou est pas bon, ou est ci, ou est ça, et l'autre qui répond. Et là, tu as vu tout ça de choses que tu t'imagines, on s'imaginait presque que c'était une campagne électorale et que les deux faisaient partie de partis politiques ennemis et opposés, alors que non, ils étaient des alliés. Et maintenant que, soi-disant, Obama a gagné, et ben là, c'est comme si rien n'était, hein, comme si ils n'avaient jamais été les uns contre les autres, hein, et là ils veulent soi-disant supporter l'autre dans sa campagne. Mais c'est pour te montrer la futilité et la stupidité de ce système. combien d'argent ils ont dépensé, combien de temps ils ont gaspillé, combien d'énergie ils ont pris pour arriver à ce résultat-là. Hein? Donc c'est pour te dire à quel point c'est stupide et on dirait qu'ils ne veulent pas l'admettre, ils ne veulent pas reconnaître l'égarement de ce qui existe dans leur système, mais tout ça, ça se passe maintenant dans les pays musulmans, des gens qui font des partis politiques, que ce soit dans n'importe quel pays musulman, tu retrouves ça. Quand il y a les élections, tu vois ces genres de partisanisme qui détruisent l'esprit et de fraternité qui doit exister entre tous les croyants en l'islam, entre tous les musulmans. On n'a pas le droit donc de se diviser en groupes et en parties et de commencer à se détester les uns les autres, à montrer les fautes les uns des autres, juste parce que soi-disant on veut arriver à prendre le pouvoir et à montrer qu'on est les meilleurs et à commencer à se vanter de qu'est-ce qu'on est bon, de qu'est-ce qu'on a fait, de qu'est-ce qu'on est ci, de qu'est-ce qu'on est ça, puis de rabaisser les autres, puis de dire qu'ils sont pas, qu'ils ont rien de bon, qu'ils sont les pires et tout. Donc ça c'est des exemples que le cheikh il dit. Donc pourquoi? Parce qu'il veut, ce représentant de tel parti, il veut avoir le plus grand nombre de votes pour lui, et pour avoir la victoire dans sa campagne électorale. Et donc ça amène à, ça sème quoi? Ça sème les graines de la division et de la divergence qui est blâmable parmi les sociétés musulmanes, et ça amène à la destruction de la société et la destruction des fondements et des racines de la fraternité islamique. Et donc, en conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans deviennent une bouchée de pain dans la bouche des ennemis de l'islam. Hein? Et c'est ça ce qui arrive. Parce que, en apparence, il y a des musulmans qui vont se dire, mais c'est pas grave. Si on fait des partis et tout, on est quand même une seule nation, un seul peuple. Oui, mais c'est pas ça que l'islam, c'est pas à ça que l'islam appelle. L'islam appelle pas juste à dire qu'on est unis physiquement dans un endroit géographique et qu'on est en train de vivre ensemble. L'islam appelle pas à ça. L'islam appelle à une vraie fraternité et un vrai amour fraternel entre chaque individu qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui est basé sur l'islam et qui est basé sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, sur le tawhid et sur l'amour de la vérité. Et c'est ça qui doit exister entre les musulmans. Mais cette idée-là, elle est disparue de l'esprit de beaucoup de musulmans aujourd'hui, parce que c'est devenu pour eux comme une sorte de rêve, ou comme une sorte d'utopie. Ils croient que c'est, ouais, une utopie. Ils croient que c'est quelque chose, non, c'est pas possible d'atteindre ça. Pourquoi? Parce qu'on les a convaincus que c'est impossible d'être unis, que c'est impossible de établir une société qui est basée sur l'islam et où les gens s'aiment et se rattachent tous ensemble sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la base, ou qu'est-ce qui est bon, ou qu'est-ce qui est normal maintenant à notre époque, au XXe siècle, c'est de se diviser en parties, de faire des groupes politiques et de commencer à se faire la compétition pour le pouvoir entre chaque groupe de la société. Et ça c'est bien entendu un signe d'une grave maladie dans le cœur de la plupart de ces gens-là. Le cheikh il dit qu'Allah il a interdit dans plusieurs versets dans le Coran, dans plein de versets dans le Coran, de nous diviser et de diverger entre nous et d'avoir ce genre de partisanerie là entre nous, partisanisme. Il donne des exemples comme le verset 103 dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et accrochez-vous tous à la corde d'Allah ou au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. » Le verbe impératif, quand tu le trouves dans la révélation, le verbe impératif c'est un ordre qui implique l'obligation. Allah il dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an » Accrochez-vous tous au câble d'Allah, c'est-à-dire comme les ulama l'ont expliqué, accrochez-vous tous au Coran, accrochez-vous tous à la Sunna, accrochez-vous tous à la vérité. tous en tant, jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala dit jami'an, vous tous, tous ensemble, pas juste quelques-uns, non, tous, jami'an, wa la tafarraqu. Et ne vous divisez pas, c'est-à-dire de se diviser, c'est pas quelque chose qui est recommandé pour les musulmans d'être unis, c'est pas quelque chose qui est mustahab. Comme si tu le fais, c'est bien, mais si tu le fais pas, ben c'est pas grave, t'es pas puni. Non, c'est wajib, obligatoire d'être uni. T'as pas le droit de te diviser. Si tu te divises, tu fais un grand péché parmi les grands péchés. T'es en train de faire quelque chose de haram, comme manger du porc. Hein? T'es en train de faire un haram comme tu manges du porc. A'oudhou billah, il y a des gens qui comprennent juste quand on leur parle de porc. Haram. Donc il faut leur donner des exemples qu'ils comprennent. Hein? Tu te divises avec tes frères, ça veut dire que tu manges du porc. C'est comme si tu mangeais du porc, ou peut-être pire encore. Hein? Tu es en train de diviser la Ummah. C'est un grave péché. Donc Allah t'a interdit de te diviser, comme il t'a interdit de manger du porc, comme il t'a interdit de faire le zina, comme il t'a interdit de boire de l'alcool. De la même façon, il t'a interdit de te diviser. Et il t'ordonne d'être uni avec tes frères. Hein? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Le verset 105, dans Surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, encore une fois avec le verbe impératif, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé une fois que les preuves claires leur sont venues. C'est-à-dire l'interdiction pour nous de nous diviser, ou bien plutôt l'interdiction d'être comme ceux qui se sont divisés. Hein? Ceux qui se sont divisés avant nous, parmi les juifs, parmi les chrétiens, parmi les mouchriquins, les koufars, qui se sont divisés avant nous, une fois que la vérité leur soit venue, eh bien Allah il nous dit, ne soyez pas comme eux, ceux qui ont divergé, et qui se sont divisés. Le pire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend de la part de certains, c'est non seulement ils appellent les musulmans à se diviser, mais ils disent que c'est quelque chose que Allah veut. A'udhu billah. Comme si ils disent que, bon, Allah il dit ici, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé. Eux, ils appellent les musulmans, et ce sont des musulmans qui disent être soi-disant des savants ou des penseurs ou des gens qui appellent à l'islam, ils disent c'est correct d'être divisé, et c'est correct d'être divergent, et il faut qu'il y ait de la division, et il faut qu'il y ait de la divergence. L'islam est une religion pluraliste, et il y a un pluralisme dans l'islam, soi-disant. Il faut accepter les chiites, il faut accepter les soufis, il faut accepter n'importe quelle secte, et n'importe quelle division au nom de l'islam. Et c'est quoi sa preuve? Il se base sur le qadar. Il essaie de se baser sur le qadar, pour dire que la division est permise. Et ça, c'est grave. C'est grave. Parce que, regardez, c'est comme si quelqu'un qui dit l'alcool est permis dans l'islam. C'est quoi ta preuve? Parce qu'il y a des gens qui boivent. Il se base sur le qadar pour dire que qu'est-ce qui se passe, c'est halal. A'oudhou billah. Il voit la division qui se passe dans les pays musulmans, qui se passe entre les musulmans, il voit les sectes, il voit les groupes, et il dit, ah, ça c'est la preuve que c'est permis, et c'est la preuve que Allah l'a permis parce que Allah a prédestiné ces choses-là et on le voit. Donc ça veut dire que c'est halal, ou c'est permis, il faut l'accepter. Il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a les bouddhistes, il y a les hindous, il y a les musulmans, il y a les sectes parmi les musulmans, il y a les chiites, les soufis, il y a les asha'ira, il y a les maturidiyas, hein. Donc il essaie de justifier le haram par le qadar. Hein? C'est comme si quelqu'un, par exemple, moi je viens là, je te fous un coup de poing. Ou bien je te fous un coup de bâton sur ta tête. Et tu me dis, mais pourquoi tu fais ça mon frère, c'est haram. Je dis, mais non, ça c'est le qadar. A'udhu billah. Comment tu peux justifier le haram par le qadar? Allah il t'a interdit de le faire parce qu'il a révélé, cette interdiction-là par ses messagers, par ses livres. Il a répété les interdictions dans la révélation de façon claire et explicite. Et toi tu l'as lu, et tu l'as entendu, et tu l'as récité, et tu l'as compris. Et après tu viens voir les musulmans, puis tu viens dire, il faut respecter la divergence, il faut respecter les divisions, il faut respecter les différences. A'udhu billah. Allah, il a interdit, il a demandé aux musulmans de ne pas se diviser et d'être unis et de s'accrocher à la corde d'Allah. Toi, tu veux te baser sur ce que tu vois dans le qadar pour essayer de dire que c'est halal. C'est comme si tu vois quelqu'un qui est en train de faire le zina puis tu dis c'est halal parce que Allah il l'a prédestiné. Hein? C'est comme l'homme qui avait volé. Il est allé voir Omar ibn al-Khattab qui l'a attrapé. Hein? Les gens l'ont attrapé, ils l'ont amené voir Omar ibn al-Khattab. Il a dit oh, ya Omar, j'ai fait le vol par la prédestination d'Allah et par la puissance d'Allah. Et Omar ibn al-Khattab lui a dit, eh ben moi je vais te couper la main par la prédestination d'Allah et par le pouvoir d'Allah. Hein? Et donc c'est ça l'exemple de ces gens-là, comment ils donnent des choubouhats aux musulmans. Parce qu'ils ne font pas la distinction entre al-irada al-kawniya et al-irada al-shar'iya. La volonté d'Allah qui se produit dans la prédestination, dans ce qu'il a prédestiné, et la volonté d'Allah qui nous a fait part par la transmission de sa révélation. Et par ses ordres et par ses interdictions, qu'il a fait connaître par l'intermédiaire de ses messagers, et de ses livres, et de ses prophètes. Comment essayer de faire un amalgame entre ces deux choses, et mélanger les musulmans pour leur faire croire que s'il y a une divergence dans la création, ou s'il y a une chose qui se passe dans la création qui est en contradiction avec ce que Allah a révélé dans la révélation, dans le sens que Allah il a interdit quelque chose dans son livre, et cette chose-là se produit dans la création, essayer de dire que ça veut dire que ça c'est permis parce que ça se produit, ça c'est l'égarement total. Hein? Ça voudrait dire que là, tout ce qui se passe de contraire à la religion d'Allah, dans la création, ça veut dire que ce serait une preuve que ce serait permis de le faire. Et donc ça c'est déjà d'égarement. Et ça c'est Tariq Ramadan qui appelle à ces idées-là, encore une fois. Hein? Dans ses cours et dans ses cassettes. C'est-à-dire, s'il y a les chrétiens qui existent parce qu'Allah l'a voulu, hein? Ça veut dire quoi? Allah a voulu le kufr, Allah a voulu le shirk. Oui, c'est vrai, Allah a voulu le kufr et le shirk dans sa création, il a prédestiné ces choses-là. Mais est-ce qu'il a voulu ça dans le sens qu'il a révélé, qu'il nous a permis d'être mécréants et qu'il nous demande d'être mécréants et qu'il aime la mécréance et le kufr et le shirk? Jamais de la vie, puisqu'il nous a interdit dans le Coran de mécroire en lui et qu'il nous ordonne de croire et qu'il a promis le paradis à celui qui croit. Et qu'il a promis l'enfer à celui qui refuse de croire, et qu'il a promis l'enfer à celui qui fait le shirk, et qu'il a promis le paradis à celui qui reste sur le tawhid et qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qu'il a établi des punitions dans la dunya pour ceux qui commettent des péchés, et des punitions dans l'akhira pour ceux qui commettent des péchés et qui se sont pas repentis, ou bien il y a des choses de ce genre. Donc d'essayer de justifier par le qadar les péchés que quelqu'un peut faire ou qu'est-ce qui se passe dans la umma de mal et de contraire à la révélation, ça c'est un égarement absolu. Quelqu'un doit combattre ce genre d'ignorance et de contradiction. Hein? Et donc ceux qui amènent maintenant, maintenant il y a des groupes comme ça ici, même au Québec, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, parmi les groupes islamiques, hein, les groupes qui suivent la tendance des Ikhwan, Al-Muflisin, ou d'autres jama'at, qui essaient de dire aux musulmans, l'islam c'est une religion pluraliste, il faut accepter toutes les sectes, hein, il faut accepter toutes les tendances, tous les groupes, toutes les bid'as. Et bien ça c'est déjà dangereux, qui appelle les musulmans à contredire le Coran, à contredire la Sunna. Parce que Allah, il dit clairement dans le Coran de ne pas se diviser. Donc Allah il dit ne te divise pas, ne vous divisez pas, et toi tu dis, oui, la division fait partie de l'islam, et le pluralisme fait partie de l'islam, et que les partis font faire plus de partis, et que c'est correct, et que c'est permis, et qu'on a le droit, on a la liberté de croyance dans l'islam. Imaginez, hein. Hier j'étais sur la rue, hein, Queen Mary, je m'en allais quelque part. Je vois des black muslims, ceux qui s'appellent black muslims, avec leur journal. Il y avait un gars que je connaissais parmi eux là-bas, qui était devenu musulman puis qui a quitté l'islam, hein, qui a quitté l'islam pour entrer dans ce groupe de kufr. Alors, je suis allé le voir et je lui ai dit, est-ce que t'as pas compris les fondements de l'islam encore? Il m'a dit, ouais, ben, j'ai compris mes fondements à moi. Je comprends l'islam à ma façon. Il dit, est-ce que t'as, depuis le temps, parce que ça faisait peut-être 15 ans que je lui ai pas parlé, peut-être. Il dit, depuis le temps, est-ce que t'as appris l'arabe un peu? T'as appris quelque chose? Il m'a dit, non. Je lis le Coran en anglais et en français. J'ai pas besoin d'apprendre l'arabe. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, tu penses que t'es capable d'avoir une bonne compréhension de l'islam comme il faut en anglais et en français? Il dit, ben oui, je fais ma propre compréhension. Après, je lui dis, et donc, c'est quoi la réalité pour toi des fondements de l'islam? Que les noirs sont des dieux, que les blancs sont des diables? Il dit, oui, c'est ça. J'ai dit, Allah, au jugement dernier, il ne va pas faire de distinction par rapport à la couleur. Si tu es noir, que tu as été dans l'égarement, et que tu as refusé de croire au messager, tu vas aller en enfer. Peu importe que tu sois noir. Et si tu es blanc, que tu as fait le bien, que tu as cru en Allah, tu vas aller au paradis. Ça n'a rien à voir avec ta couleur. Et lui, il me dit, il n'y en a pas de jugement dernier. Il n'y en a pas de vie après la mort. Puis ça, c'est ici. Si tu fais le mal, ça va venir ici. Si tu fais le bien, ça va venir ici. J'ai dit, c'est pas ça qui est écrit dans le Coran. Dans le Coran, c'est écrit le contraire de ce que tu dis. Dans le Coran, c'est écrit qu'il y a une récompense dans l'au-delà. Il y a une punition dans l'au-delà. Et là, il dit, toi, tu comprends pas. Nous, on suit pas une religion. Nous, on suit pas une religion. Qu'est-ce qu'on suit? C'est pas une religion. J'ai dit, ben alors, pourquoi tu utilises le nom de l'islam? Si, qu'est-ce que tu fais? C'est pas une religion. Cesse d'utiliser le mot islam. Et cesse de te dire musulman. C'est quoi cette stupidité, ce blasphème que vous êtes en train de faire au nom de l'islam? Hein? Donc, c'est pour vous dire, c'est ça que ça amène la liberté de croyance. Si quelqu'un dit dans l'islam il y a la liberté de croyance, ça dit il faut accepter ces gens-là qui disent des mensonges et des faussetés à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui disent le kufr et le shirk et l'égarement, qui disent que Elijah Mohamed était le dernier messager qui est venu pour les Noirs aux États-Unis, qui disent que Fad Mohamed était Dieu qui est venu sur terre en être humain, qui disent quoi encore? Toutes ces bêtises-là, que les êtres humains sont créés par des scientifiques noirs, dans des laboratoires, et que c'est les noirs qui ont créé les blancs, et qu'à la fin des temps, il y a une soucoupe volante qui va venir les chercher. Et bien, oui, ça c'est leur croyance, ces gens-là. Hein? Et ces gens-là, oui, les gens qui suivent Farrakhan, aux États-Unis. Hein? Ça c'est des gens qui se disent musulmans. Ils croient pas au paradis et l'enfer. Ils disent non, le paradis et l'enfer, c'était inventé par les blancs, pour garder les noirs dans l'esclavage. Hein? Donc c'est pour vous dire l'égarement et le coffre. Quand des gens qui te disent, des groupes islamistes aujourd'hui qui te disent il y a la liberté de croyance dans l'islam, où ça c'est écrit ça? Où? Eux ils disent la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en religion. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de dire ce que tu veux si tu es musulman, ou de croire ce que tu veux si tu es musulman. Si tu es musulman, tu es obligé de croire au Coran et à la Sunna. Hein? Donc c'est des exemples. Comment les gens s'égarent? La ikraha fi din, ça veut dire, si quelqu'un est un kafir, tu peux pas le forcer à devenir musulman. Mais ça veut pas dire que si tu es musulman, tu peux dire ce que tu veux, croire ce que tu veux, et faire ce que tu veux. Non. Il y a des limites, il y a des règles. Hein, et c'est pour ça qu'il y a la peine de l'apostasie. Dans l'islam. Même s'il y a des groupes d'égarement actuellement qui sont en train de combattre ce principe-là, qui fait partie des principes de l'islam acceptés par l'unanimité, le consensus de la Ummah. Depuis des siècles et des siècles, depuis l'époque des Sahaba jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais personne qui a remis cette chose-là en question. Ça se retrouve dans tous les livres de fiqh. Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi. Tu le retrouves, ce chapitre, dans tous les livres de fiqh. Et les hadiths là-dessus sont clairs. Et l'application du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce principe, et des Sahaba, et des Tabi'i, et des Khulafa Rashidin, sont clairs. Et à travers les siècles de l'islam, tout ça, ça a été toujours appliqué, cru, établi. Maintenant, tu viens au XXe siècle, et parce que les Koufars ont écrit une déclaration de droit ou je sais pas quoi, tu veux remettre en question tous les enseignements de la religion musulmane, pour que ce soit en accord avec leur passion et leur désir. Crée Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est pour vous montrer l'égarement de ces gens-là. Mais alhamdoulilah, de plus en plus que les musulmans commencent à apprendre et comprendre, de plus en plus, les gens commencent à voir les blasphèmes de ces gens-là. et à remarquer, à réaliser la réalité de ce que j'ai, de ce que ces gens-là sont en train de faire, et ils commencent de plus en plus à revenir à la vérité et à la da'wah des salafs, alhamdulillah. Le cheikh il mentionne comme verset aussi le verset 153 dans sourate Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset-là, « Wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uh » et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, dans toute sa rectitude, et donc ne suivez pas les petites voies et les petits chemins qui vous diviseront de son chemin, hein, ou qui vous égareront et vous diviseront par rapport à son chemin, et c'est en quoi Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne, vous enjoint, hein, si vous craignez ou si vous voulez vraiment atteindre la crainte et la piété et la taqwa, hein. Donc ça, Allah il vous enjoint de suivre le droit chemin. Et le droit chemin c'est un chemin unique, c'est pas des chemins que vous allez suivre, des groupes, des partis, des chemins, non, il y a un seul chemin, c'est pas des islams, hein, c'est un islam qu'il y a à suivre, c'est pas des sunnas, il y a une sunna, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'on doit suivre, si tu veux aller au droit chemin, tu veux être sur le droit chemin, tu dois suivre ça, il n'y a pas d'autre façon de suivre l'islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ça c'est pour vous faire comprendre à ce sujet-là, hein. Comment vous dites qu'il y a le pluralisme dans l'islam, et que vous mentionnez les chiites comme exemple. Regardez les chiites, qu'est-ce qu'ils ont comme religion, les seuls, les sahaba, et ils disent qu'à part quatre sahaba, tous les autres sont devenus koufars après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils insultent Abu Bakr, Omar et Uthman et les autres parmi les sahaba, hein. Et non seulement ça, ils adorent les descendants de Ali, et ils font des mosquées sur leur tombe, et ils font chaque année des pèlerinages à leur tombe, et ils les invoquent quand ils ont des malheurs, quand ils sont en détresse, ils crient leur nom pour demander leur secours, alors qu'ils sont morts depuis des siècles. Tout ça c'est des actes de shirk et de kouf qui font partie de leur fondement dans leur religion, hein. Et donc c'est pour vous dire que leur religion n'a rien à voir avec l'islam. Comment tu vas me dire que ça c'est le pluralisme, qu'il faut l'accepter au nom de la diversité? Quelle sorte de compréhension de l'islam ça? C'est barbare, ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah, d'accord? Donc ensuite le cheikh il mentionne ici le verset 159 dans sourate Al-An'am aussi, hein. Vous voyez des livres, vous entrez dans les librairies des Ikhwan Muflisin. Donc, je suis allé en France, je suis allé dans un endroit, c'est une station de métro, les Couronnes. Il y a 5 ou 6, peut-être un peu plus, de librairies musulmanes là-bas. C'est toutes des librairies qui appartiennent en grande partie à des Ikhwan. Tu rentres là-bas, tu entends des anachil avec des tambours et des chansons, comme si c'est de la musique. Et le gars est en train de chanter, il prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il y a les drums et les tambours et tout, comme si c'est de la musique, hein, la musique, sauf que au lieu de dire des paroles, qu'est-ce qu'ils disent dans les paroles, des musiques qui sont soi-disant pas halal, comme ils disent, et bien là ils disent des paroles soi-disant islamiques, et ils croient que ça rend les choses halal, alors que c'est une grosse bid'a, et c'est un grand, c'est grave qu'est-ce qu'ils font au nom de l'islam. Hein? Donc, ça c'est pour vous dire, et bien dans cette librairie-là, vous trouvez des livres sur le soufisme, des livres sur les chiites, des livres sur les bid'as, toutes les formes d'égarement que vous pouvez imaginer, vous les trouvez là-bas. Et des groupes de bid'as parmi les groupes, comme les Ikhwan, qui défendent ces idées-là et ces croyances-là, et qui font la propagation de ces idées-là pour eux. Et je suis allé à la mosquée de Paris. Hein? Ouais. C'est ça, je suis allé à la mosquée de Paris, je ne me rappelle plus quel arrondissement, mais en tout cas, subhanallah, il y a une librairie juste en face, je pense que c'est Al-Bunyan, ça s'appelle, une librairie. Eh ben, je suis rentré là-bas, j'ai trouvé les livres de tous les égareurs et les égarés qui existent dans cette Umma. Al-Hallaj, Ibn al-Fariq, Ibn Sab'il. Tous les gens qui ont appelé à des idéologies de Wahdatul Wujud, à des croyances en Wahdatul Wujud, et des formes de soufisme, d'égarement et de kufr et de shirk, j'ai trouvé ces livres-là qui sont en vente là-bas, comme si rien n'était. Et juste en opposition, tu vois l'autre côté, les livres d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, hein, Muhammad Abdul Wahhab, c'est comme si ils vendent le kufr et ils vendent le tawhid juste en face. Ils en ont pour tous les goûts, comme on dit. Hein? C'est ça l'égarement que tu trouves là-bas. Des livres sur les turcs soufis, il y a des écrits par les défenseurs de ces turcs qui défendent le soufisme et l'égarement, même en français maintenant. Des livres sur la tariqa Tijaniya en français. Hein? Des livres sur la tariqa Naqshbandiya. Toutes les turcs soufis de bid'a qui appellent au shirk et à l'égarement et au bid'a, ils les vendent là-bas. Hein? Et donc c'est pour vous dire à quel point les gens maintenant, au nom de la divergence et du pluralisme religieux. Et qu'est-ce qui m'a fait rire, une fois j'écoutais Tariq Ramadan, il disait dans une conférence, il disait, les Français ils ont réussi dans le pluralisme politique, mais ils échouent dans le pluralisme religieux. Et donc c'est nous les musulmans qui devons leur donner l'exemple et leur montrer qu'on nous on est capable de faire un pluralisme religieux. Hein? On va donner des leçons au kuffar dans le kufr, et dans la bid'a et dans l'égarement. Donc c'est pour vous dire à quel point des fois quand on perd la guidance qui vient d'Allah, on voit le mensonge comme si c'était la vérité, puis on voit la vérité comme si c'était l'égarement, qu'Allah nous protège. Et elle est parce que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les tourne comme il veut. Donc aujourd'hui, t'es bien guidé, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et cherche les moyens pour rester bien guidé, et tu utilises les moyens que Allah t'a donné pour rester sur le droit chemin. Et donc, il mentionne après ça un autre verset, le verset 159 dans sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لست منهم في شيء. الله سبحانه وتعالى إلتي dans surat 159 dans surat pardon dans le verset 159 dans surat Al-An'am, ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes et des groupes, tu n'as rien à faire avec eux. Tu n'as rien à faire avec eux. لست منهم في شيء. Et ben ça veut dire quoi ça? Quand tu nous dis que dans l'islam il y a le pluralisme, Allah سبحانه وتعالى il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as rien à voir avec ceux qui se divisent et qui font des sectes et des groupes dans leur religion. Et toi aujourd'hui tu viens me dire, mais non, c'est correct, on a le droit d'être des sectes, on a le droit d'être des groupes. Et il y a des groupes, ces idées-là que ces gens-là sont en train de propager dans les pays musulmans, là. Eh ben maintenant, comme Mohamed Al-Ghazali, Youssef Al-Qardawi, l'autre Tariq Souaydan, Tariq Ramadan, tous ces autres égareurs-là, eh ben, il y a des groupes qui reprennent leurs idées et leurs philosophies et qui les prêchent maintenant ici même à Montréal et en Europe et qui parlent de ces idées-là aux koufars comme si c'était ça l'islam. Et j'ai lu les mémoires de certains groupes d'égarement ici à Montréal même, comme le groupe Astrolabe. C'est un groupe algérien nationaliste, je ne sais pas quoi, laïque. Eh ben, ils prônent soi-disant un islam, mais ils en sont en train d'enseigner en même temps que l'islam c'est pluraliste et qu'on accepte la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme, l'égalité entre l'homme et la femme et toutes ces choses-là. Et le pluralisme religieux au nom de l'islam. Et dans leur mémoire, ils ont écrit ça quand ils ont présenté leur mémoire à la commission de Bouchard-Taylor pour les accommodements. Eh bien, ils ont présenté ça dans leur mémoire, je l'ai lu au complet, qu'est-ce qu'ils ont écrit, et parmi les choses qu'ils me disaient, c'est ça. Et ils veulent essayer de faire une coalition de tous les groupes et mosquées et partis qui sont soi-disant musulmans, puis soi-disant arriver à élire un chef qui va représenter tous les musulmans et qui va soi-disant parler au nom des musulmans, je sais pas moi, peut-être au gouvernement ou aux médias ou je sais pas quoi. Ils veulent un pape musulman. Et en Europe, ils veulent faire la même chose. Il y a eu l'année passée, je pense, ou l'année d'avant, il y a eu un contrat ou une charte qui a été signée par plus de 400 associations européennes et qui s'entendaient sur les mêmes principes que sur ceux dont ces gens-là se mettaient d'accord ici. Et il y a le groupe aussi Présence Musulmane qui ont mis leur mémoire aussi sur Internet lors de la commission Bouchard-Taylor et qui appellent aux mêmes idées de celles qu'on a parlé par rapport à Tariq Ramadan et des choses de ce genre maintenant aujourd'hui et qui disent que c'est ça l'islam. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre que ces gens-là, leur projet qu'ils sont en train d'établir là, derrière ça, il y a beaucoup d'égarement et d'ignorance. Et ils sont en train de tromper les musulmans à ce sujet-là, et d'appeler les musulmans à l'égarement. Et ils sont prêts à tout pour stopper et arrêter toute personne qui va venir se tenir dans leur chemin pour les réfuter et montrer leur égarement et leur mensonge. Hein. Et c'est ça ce qu'ils font. Hein, ils sont prêts à mentir sur toi, à faire des choses sur toi, tout ce qu'ils peuvent faire pour t'écraser, te faire paraître mal, hein, te marginaliser soi-disant. Mais bon, ils ont pas compris une chose, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître de l'univers. Ils n'ont pas compris que c'est lui qui protège sa religion. Donc, alhamdulillah. Donc, ensuite, on va terminer avec ça. Le cheikh, il dit, wa qalat Salama, radiallahu anha, ala inna nabiyakum qad bari'a mimman, qad bari'a mimman farraqa dinahu wa ihtazaba. وتلت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. C'est mentionné dans le livre l'Al-I'tisam de l'imam al-Shatibi. Il a mentionné cette parole de Umm Salama, radiallahu anha, il a dit, certes, votre prophète a été innocenté de toute personne qui divisait sa religion et qui se formait en groupe, qui formait des groupes, et elle a récité ce verset, hein, le verset 159 dans Surat al-An'am. Ceux qui divisent leur religion et qui deviennent des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Hein? Et après, il mentionne d'autres versets. وقال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 46 de Surat Al-Anfal, et obéissez à Allah et à son messager et ne divergez pas, parce que vous allez, si vous divergez, hein, ne vous divisez pas, parce que sinon vous allez échouer. Vous allez échouer. Donc la division amène l'échec, amène la perte. Hein. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَأَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا Le Cheikh il dit que Allah dit dans le verset 13 dans Surat Shura, et établissez la religion et ne vous divisez pas dedans, ne vous divisez pas dans la religion. Et ça c'est une grosse chose à laquelle tu appelles les mushrikins. Pour eux, pour les mushrikins, ça c'est une grosse chose, une grosse affaire. Tu les appelles à quoi? À s'unir dans la religion? Quoi? Pour eux c'est impossible même. Inconcevable. Comment on peut s'unir dans la religion? Et vous dites ça aujourd'hui à des koufars, que toute l'humanité doit être sur une seule et même religion, et croire en un seul Dieu, et s'unir dans la foi, et être des frères. Ils disent, quoi? Mais non, on peut pas tous croire la même chose, il faut qu'il y ait de la diversité, il faut que tout le monde ait le droit de croire qu'est-ce qu'il veut. Hein? Il faut tout le monde. Donc, pour eux, même l'idée, non seulement le fait de le faire, mais juste l'idée ou penser que l'humanité doit croire en un seul Dieu et s'unir dans la foi et dans la religion, ça c'est impensable pour eux. Et c'est ce qu'Allah a dit dans le verset, كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Et après, Ibn Kathir dit au sujet de ce verset-là, dans son tafsir, il dit, Allah a ordonné à tous les prophètes, que la paix et le salut soient sur eux, de se réunir et d'être une seule jama'a unie, hein, d'être un seul groupe, et leur a interdit de se diviser et de diverger. Donc, et on va terminer avec le dernier verset ici, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dans le verset 31 et 32 dans Surat al-Rum, « Munibina ilayhi wa attaquhu wa aqim salah » retournez, repentant vers lui, et craignez-le, et établissez la salat. Et ne soyez pas comme les mushrikins, comme ceux qui se sont divisés qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes. Chaque groupe d'entre eux se réjouit de ce qu'ils possèdent, de la vérité. Hein? Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe, chaque secte, dit, nous on a ça. Et ils se réjouissent. et Allah nous a interdit d'être comme eux dans le Coran. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On n'a pas lu beaucoup, mais ce qu'on a lu c'est significatif et il y a beaucoup de guidance et de lumière et de compréhension pour celui qui cherche la vérité. Et on continuera le sujet de la division, Inch'Allah, dans les cours qui vont suivre. On va passer un bon nombre de cours juste sur ce sujet-là seulement, pour faire comprendre aux musulmans, Inch'Allah, l'importance de s'unir et de ne pas se diviser, et de faire comprendre le danger que comporte le fait d'entrer dans ces idéologies de démocratie, de partisanisme et d'élections et toutes ces choses-là. Parce que nos ennemis, c'est-à-dire les koufars, quand ils appellent les pays musulmans à être et à devenir démocrates, c'est pas pour le bien de l'islam, c'est pas pour le bien de la Ummah. Soyez certains de ça, soyez convaincus de ça. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.